Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première jusqu'à 14h. Très bel après-midi. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. Cette semaine, terre de promesse, terre d'exil. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Suisse, Russie et retour. L'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Elle nous a tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Ivan Slatkin, je représente la 4e génération de la famille Slatkin. Je suis né à Genève, j'ai fait mes études ici, je suis plutôt un économiste de formation. Mais bon, la passion du livre m'a gagné parce que quand vous êtes né dans le milieu du livre, quand vous êtes entouré de livres, et puis quand vous avez la chance d'avoir une entreprise familiale, il est difficile de faire autre chose que d'aller travailler en famille dans l'entreprise familiale. Donc voilà, en gros, je suis marié, j'ai 3 enfants. Enfin, je pourrais raconter beaucoup de choses sur moi, mais voilà une introduction. Alors, les auditeurs attentifs l'auront senti ou perçu. On n'est pas dans un studio, on n'est pas dans une acoustique de studio. On a un ventilateur qui tourne au-dessus de nos têtes. Et puis, il y a des gens qui passent. Parfois, ils sont avec des objets à la main, donc vous entendrez peut-être du bruit pendant cet entretien. Mais tout ça pour dire, où sommes-nous ? Nous sommes au Café Slatkin, qui est le lieu où mon arrière-grand-père avait ouvert en 1918 la librairie Slatkin et fils. Librairie qui a été tenue de père en fils sur 3 générations. Mon père a tenu cette librairie après son père à lui. Maintenant, mon père a 85 ans. Mon frère et moi, nous sommes actifs dans l'entreprise familiale, mais nous n'avons pas une formation au niveau des livres d'occasion et des vieux livres. Et cette librairie était gentiment en train de s'éteindre. Alors, pour 2 raisons, une clientèle en chute libre, parce que les gens aujourd'hui achètent les livres autrement. Et puis, parce que, aussi, à un certain âge, d'ouvrir la librairie Slatkin et fils 6 jours par semaine, de 8h à 19h, c'était un peu dur pour lui. Donc, il y a 3 ans, on s'est demandé avec mon frère et mon père si on allait rendre cette arcade avec un pincement au cœur, parce que ça faisait 97 ans qu'on y était. Et puis, on s'est dit, ben non, on va faire autre chose, on va créer un lieu. On a eu l'idée de se dire qu'on allait faire un bistrot, et puis moi j'ai dit, mais on va faire un bistrot littéraire, on va pouvoir continuer à présenter nos livres, on va pouvoir continuer à avoir un lieu de présence dans cette vieille ville de Genève à laquelle nous sommes tant attachés. Et c'est l'origine du Café Slatkin, qui est aujourd'hui un café littéraire dans lequel on fait nos vernissages, on présente nos nouveautés, dans lequel on peut acheter tous nos livres. Et puis ça permet de continuer cette tradition avec un petit changement ces 2 dernières années, mais d'être toujours présent 100 ans après l'ouverture de la librairie Slatkin et fils par mon arrière-grand-père. Vous m'avez dit, Michel Slatkin, que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments vous permettant de nous parler de la Russie qu'a connue votre grand-père, pour la simple et bonne raison que vous étiez relativement peu curieux. Or, à l'évidence, l'homme que j'ai devant moi est un homme qui a probablement passé une grande partie de sa vie animé par la curiosité de la découverte, de la lecture. Alors, je vais peut-être vous poser la question comme ça. Comment c'est venu, la curiosité ? Elle est venue en chemin ? Je me l'explique très difficilement à moi-même, car effectivement, si j'avais eu, à l'époque où j'étais jeune, les mêmes pensées qu'aujourd'hui, j'aurais probablement non pas fait un autre métier. Le métier de la librairie est un merveilleux métier. Le métier du livre est, à mon avis, un des plus merveilleux métiers, avec l'antiquariat des meubles et les peintures. Je pense que ce sont les 3 métiers les plus captivants du monde. Mais j'ai l'impression que j'étais obnubilé d'abord par le fait de réussir mes études. Et je pense pas que je suis bête, mais je suis pas un génie. Et par conséquent, j'ai dû travailler. Mon grand-père, qui était véritablement pour moi à la charnière de 2 mondes, et nous sommes maintenant à la charnière d'un 3e monde, cet homme-là a eu une expérience que je n'ai pas partagée avec lui, et je m'en veux beaucoup. Votre grand-père a connu Lénine, Lénine a connu votre grand-père, et même mieux, mais ça vous allez nous le raconter. Savez-vous comment la rencontre s'est faite ? Est-ce tout simplement parce qu'il y avait une communauté comme ça, de Russes, dans une petite ville qui s'appelle Genève, et qu'inévitablement, à un moment ou à un autre, on finit par se croiser ? Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus ? J'ai pas vraiment d'éléments, mais je peux essayer d'apporter quelque chose. Mon grand-père était un grand ami de Davidoff. D'ailleurs, au début, pour aider son propre père, il a roulé des cigarettes avec Davidoff au moment où il n'avait pas le magasin à la place du Mollard, ni là où il est aujourd'hui. Mon grand-père était très ami avec le père de Jean Starobinski, le médecin Starobinski. Donc il y avait certainement une élite de gens à ce moment-là qui, eux, devaient se réunir. Et par conséquent, comme Lénine quand même était un personnage, à l'époque c'était pas un personnage tellement important, mais c'était un homme qui d'abord évidemment parlait russe comme mon grand-père et s'intéressait, puisque les premiers journaux soviétiques ont été imprimés à Genève. Donc il est très probable que la rencontre a dû avoir lieu à la librairie, je suppose, mais je ne sais pas. Et qui plus est, pour Lénine, grand amateur de livres. Oui, tout à fait, et surtout grand amateur d'idées. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que mon grand-père était extrêmement ouvert à toutes les idées. Je crois qu'il n'a jamais été communiste. Je ne sais pas de nouveau, mais je ne crois pas. C'était un homme honnête qui vivrait d'ailleurs très mal le monde d'aujourd'hui, à mon sens. Mais il était très ouvert aux idées, et à l'heure actuelle, je me rends compte, je suis plutôt de tendance de droite libérale, mais d'une certaine manière, je trouve que le monde dans lequel on vit, malheureusement, ne fait plus cas des grandes idées fondamentales que l'homme aurait dû appliquer avant qu'il soit trop tard. Pour moi, il est trop tard, je vous l'ai dit, mais d'une certaine manière, je pense que mon grand-père était très ouvert aux idées, de larges idées. Vos souvenirs, Ivan Slatkin, vis-à-vis du livre, sont de deux ordres, si l'on en croit les lignes que j'ai lues de vous. Ils sont à la fois auditifs et olfactifs. C'est le bruit d'une machine à écrire, c'est l'odeur de la colle et l'odeur du papier. Et puis j'ajouterais sans doute également une autre dimension, peut-être allergique, la poussière. Racontez-nous un peu votre rapport au livre, qui est peut-être un rapport compliqué. Vous baignez dedans, littéralement. Mais qu'est-ce que c'est que de baigner là-dedans ? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai une formation scientifique, mais en effet, je suis né dans le livre. Mes premiers souvenirs dans l'appartement familial, c'est d'entendre mon père taper sur sa machine à écrire IBM. Donc, on est dans les années 70, 70, en écoutant de la musique classique. Et il faisait la recension des vieux livres qu'il avait pour faire son catalogue, pour tenir à jour ses données. Et je m'endormais bercé par cette musique et ces frappes d'un autre temps, parce qu'aujourd'hui, la machine à écrire, je crois que moi, mes propres enfants, si je leur parle de machine à écrire, ils doivent pas savoir de quoi je parle, parce que pour eux, on est à l'ère de l'ordinateur qui fait plus de bruit, qui est un sonore. Alors oui. Mais l'ordinateur, même, c'est très vieux. Et même l'ordinateur, c'est vieux, puisqu'aujourd'hui, on peut même pratiquement dicter quelque chose en parlant. Donc moi, j'ai ces premiers souvenirs dans cet appartement entouré de bibliothèques. Donc le livre est devant moi depuis que je suis né. Et puis, comme je le disais, quand on a une entreprise familiale, moi, dès que j'ai pu gagner quelques sous pendant mes étés pour pouvoir ensuite profiter un peu de la vie, j'ai demandé à mon père si je pouvais pas lui rendre service. Donc j'ai été débarrassé des bibliothèques, j'ai été vidé des dépôts, j'ai été travailler dans la reliure artisanale. Et quand on travaille dans ces environnements-là, en effet, les souvenirs qu'on a, c'est, vous l'avez dit, de la poussière, parce qu'en règle générale, les livres qui sont dans les bibliothèques, ils y sont restés longtemps. Donc dès qu'on les bouge, il y a beaucoup de poussière qui vient. Donc il ne faut pas être allergique à la poussière. Et puis quand je travaillais dans nos dépôts à Chavannes-de-Beugie, dans la reliure artisanale qu'on n'a plus aujourd'hui, c'était la colle de la couverture, l'assemblage des cahiers, c'est l'odeur du papier. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, mes auteurs ou mes clients qui viennent dans nos dépôts à Chavannes-de-Beugie, ils sentent cette odeur. Et ils me le disent toujours, ils me disent, mais c'est incroyable, chez vous, on sent le livre. Moi, je ne le sens plus parce que j'en suis tellement habitué, je suis comme un vieux fumeur. Je ne sentirai plus la fumée. Elle fait partie de mon environnement, elle fait partie de ma vie. Donc oui, je suis né dans le livre, je vois un livre aujourd'hui qui change, mais je suis attaché à ses odeurs, à ses bruits. C'est un peu même Madeleine de Proust. Michel Slatkin, un petit ouvrage est sorti. Il est tout simplement intitulé Slatkin, mais en dessous, il y a deux dates, 1918-2018. 2018, on sait un peu de quoi il s'agit, mais 1918, on sait moins. En tout cas, ça nous indique une centaine d'années. Qu'est-ce que c'est que ça? 1918, c'est la date de fondation par mon grand-père, Mendel Menahem Slatkin. D'ailleurs, Slatkin sans E en russe, Slatkin veut dire doux. Et c'est la date où, au fond, tout un grand nombre de gens ont quitté la Russie, les Juifs à cause des pogroms et à cause des exactions qui se faisaient compte. Enfin, bien avant, je veux dire par là. Mais je vous raconterai pourquoi je saute de 1918, au fond, à 1905, parce que l'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Et par conséquent, il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Ils étaient bien considérés par la population, mais d'une certaine manière, quand les Cosaques déboulaient, pillaient tout, incendiaient, violaient les femmes et à la limite les liquidaient, c'était pas possible. Donc il avait décidé de quitter la Russie, où il avait une très très belle situation. Il avait mis en place une assurance maritime et ferroviaire pour le transport des marchandises. Il avait gagné beaucoup d'argent. Curieusement d'ailleurs, puisque à ses départs c'était un homme qui se destinait au rabbinat, mais qui n'avait pas pu le faire vu la disparition de ses parents alors qu'il était très jeune, et au fond, d'après ce que je crois savoir, la perte de la foi. Et comme c'était un homme d'une honnêteté scrupuleuse, il ne voulait certainement pas, comme dit Hulot, se mentir à lui-même. Donc parler de Dieu, si on n'y croit pas vraiment, à mon avis, c'est un tout petit peu difficile à imaginer. Mais donc il a quitté la Russie riche, et la Première Guerre mondiale 14-18 a fait en sorte que toute sa fortune était placée en papier russe et que par conséquent il s'est trouvé non seulement ruiné, totalement ruiné, mais encore ayant une dette à la banque qui lui avait prêté sur son portefeuille 50 000 francs qu'il a eu toutes les peines du monde à rembourser en 10 ans. Et mon grand-père m'a toujours dit, surtout n'aille pas affaire aux banques, c'est les plus grands brigands qui existent. Comment parvient-il, oui, tout simplement à rebondir? Mais il rebondit très très difficilement, puisque donc il avait 3 fils. L'un, mon père, faisait des études de médecine, il a dû les interrompre, il n'y avait plus d'argent. Mon oncle s'intéressait beaucoup au violoncelle, donnait des concerts, il a dû interrompre ça. Et en fait, mon grand-père n'avait qu'une solution pour gagner, entre guillemets, les 5 francs par jour dont ils avaient besoin pour vivre 5 personnes. 5 francs par jour, 5 personnes, c'était de mettre en vente sa propre bibliothèque. Il avait une très belle bibliothèque d'orientalisme, et cette bibliothèque, il l'a mis en vente, et c'est là où il a ouvert pour la première fois ce magasin où vous êtes aujourd'hui, en 1918, et c'est la vente de ses différents livres, d'une bonne partie de ses livres, qui a donné le nécessaire pour vivre et petit à petit s'introduire dans ce métier qui lui était totalement inconnu, qui était inconnu à mon père et à mon oncle, et qui petit à petit ont fait l'apprentissage de la librairie que j'ai fait moi-même. Mais alors, attendez, ils l'ont fait en 22, moi je l'ai fait en 52, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Ivan Slatkin, quel rapport vous avez avec le livre? Est-ce que vous passez certaines journées à déambuler, à la recherche d'eux, à ouvrir des caisses avec de la poussière, ou au contraire, vu l'expérience que vous nous avez contée, vous essayez de vous en tenir le plus éloigné possible? Quel est votre rapport au bouquin en général? J'ai un rapport qui a fortement évolué. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment le temps de débarrasser des bibliothèques ou de vider des dépôts. C'est pas que ça me dérangerait de le faire, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc par chance, j'ai des équipes qui peuvent s'occuper de ça. Je suis attaché au livre parce que le livre, c'est la transmission du savoir. Maintenant, je crois qu'on est dans un monde qui change. On vit une révolution industrielle qui fait que peut-être le support n'est plus le même, mais le contenu est toujours là. Et moi, ce qui m'intéresse quand on parle du livre, finalement, être éditeur, travailler dans le livre, c'est être dans la transmission du savoir, dans la transmission de quelque chose. Et j'y suis très attaché. J'ai fait aussi des études en histoire. Donc moi, j'aime pour bien comprendre le présent et me projeter dans le futur, j'ai besoin de bien comprendre et de connaître le passé. Et je pense que mon métier fait partie, permet de véhiculer, de faire avancer certaines valeurs, et je suis très attaché à tout ça. Mais je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas du tout forcé à travailler dans le domaine du livre. J'ai fait des études en économie, j'ai d'abord travaillé dans une multinationale américaine, j'ai fait des expériences dans des banques, donc c'est pour vous dire. Mais très vite, j'ai été rattrapé par cette tradition, parce que le livre, c'est de la culture, c'est du savoir, c'est de la transmission, mais c'est aussi de l'économie, parce que fabriquer un livre, vendre un livre, c'est aussi du commerce. Donc en fait, ça réunit énormément de choses, puis c'est surtout au niveau humain, je pense, le plus beau métier du monde, parce que chaque livre, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle aventure, et puis on apprend énormément quand on est éditeur, quand on travaille dans le métier du livre. Donc voilà, moi c'est un attachement qui est très très fort. On dit aujourd'hui le livre, peut-être que demain il faudra l'appeler autrement, parce que le livre va peut-être devenir une liseuse électronique, va se lire à travers un écran d'ordinateur. Donc en fait on est quelqu'un qui va permettre la transition, la passation du savoir, de la pensée, qui peut être légère avec un roman dans de la littérature générale, mais qui peut être profonde quand on parle d'érudition, qui peut être scientifique. Voilà l'attachement que j'ai au livre, entre guillemets, parce que le livre change. Un chapitre qu'il faut aborder, c'est celui des révolutions technologiques, parce que sans doute on arrive aujourd'hui dans un paysage quelque peu en ruine, mais vous y avez contribué vous-même, puisque l'évolution des techniques qui a été très utile à un certain moment dans l'histoire de l'édition, vous y avez participé et vous y avez vu, vous, un intérêt. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs revenir sur cette période-là ? Qu'est-ce qui s'est passé technologiquement et qu'est-ce que ça a permis au niveau de l'édition de faire évoluer ? La réimpression était un élément extraordinairement important, puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est que la réimpression ? Prenons un exemple, le Grand Larousse du 19e siècle. 19 volumes, 5 colonnes par volume, je ne sais pas combien de millions de mots. Le Grand Larousse a été réimprimé une ou deux fois par la librairie Larousse. Et puis, pour finir, ce n'était plus possible, parce que recomposer le Larousse, c'est probablement 2 ans de travail pour 20 personnes. Même à recomposer, simplement à copier. Donc la technique américaine qui a vu le jour dans les années 60 à peu près, qui est donc ce qu'on appelle la technique de l'offset, au lieu qu'on tape sur une machine qui fond du plomb, donc Gutenberg avait commencé avec du bois, puis il y a eu le plomb qui a donc duré pratiquement jusqu'à la fin de la... presque au début de la Deuxième Guerre mondiale, le virage de l'offset, c'est la photographie. On s'est aperçu qu'on pouvait photographier un texte et le reproduire par un procédé qui fait en sorte que ce n'est plus l'appui sur l'encre qui donne l'impression, mais c'est la circulation d'un liquide entre une plaque qui est impressionnée photographiquement. Donc on a pu réimprimer le Larousse que nous avons fait. Or, nous trouvions à l'orée des Trente Glorieuses, à la suite d'une démolition dans le monde énorme, en Europe, énormément de... L'Allemagne a été pratiquement complètement détruite, un certain nombre de bibliothèques en Russie aussi, et puis vous aviez une période où l'argent était très facile. Les Américains regorgeaient d'argent avec un dollar à 4,30 francs par rapport à notre franc suisse, si bien que les besoins universitaires, qui correspondaient encore à l'époque à une réalité de l'élite, de parler le français pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Japonais, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc les gens se sont intéressés aux études françaises dont j'ai bénéficié, dont d'autres ont bénéficié dans d'autres langues. Vous avez des grands réimprimeurs en Allemagne, en Autriche. Mais la France, par contre, pour une raison que j'ignore, trouvait que la réimpression, c'était la dégradation. Or, c'était totalement fou, parce que la réimpression permettait de redonner vie à des documents que l'on ne pouvait plus trouver. Et la conjonction donc de cette destruction d'une part et du besoin des nouvelles universités a fait en sorte que pendant une trentaine d'années, tous les grands et bons documents de la langue française, puisque c'est ma spécialité, d'abord je n'avais aucune concurrence, les Français ne faisaient rien puisqu'ils trouvaient que c'était dégradé, les Allemands s'intéressaient à l'allemand, les Anglais à l'anglais, etc. Vous aviez uniquement un ou deux réimprimeurs à New York qui se contrefichaient des droits d'auteur et de toutes ces choses-là parce qu'ils étaient loin, et vous n'allez pas faire un procès à un type sur un livre qui vaut 50 francs, ça vaut pas la peine. Donc j'ai eu une sorte de royauté sur ce domaine-là qui nous a permis de réimprimer à peu près 8000 volumes en l'espace d'une trentaine d'années, dont les grandes revues littéraires de l'époque, du 18e, que l'on ne trouvait absolument plus et qui étaient des documents fondamentaux pour les bibliothèques. Et de là, on a basculé sur des réimpressions que j'appelle patrimoniales et suisses, et notamment sur un domaine qui est un domaine que j'aime énormément, qui est le domaine de la gravure suisse. La gravure suisse a été à la fin du 18e, au début du 19e, un des éléments clés de la représentation des villes, mais surtout du paysage. Or, c'est l'époque où le tourisme se développe. La carte postale, évidemment, n'existe pas. La photo n'existe pas. Donc, le seul moyen de rapporter un souvenir de ce qu'on avait vu en Suisse, et la Suisse pour les Russes et pour les Anglais, a été, à la fin du 18e et au début du 19e, la destination rêvée. Par conséquent, il s'est développé une extraordinaire école de gravure suisse qui a représenté tous les paysages suisses, et il y a eu de grands albums qui ont été faits. C'était une carte postale avec une explication de l'endroit. Et ces albums ont disparu parce que les gens cassaient les albums pour vendre les gravures. Parce qu'à un certain moment donné, vous aviez des gravures qui valaient beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers de francs. Quand vous aviez un album où il y a 30 gravures, disons à 50 000 francs, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui a une somme de cette importance-là. Par conséquent, ces albums ont disparu et nous avons pu, au niveau de la réimpression, les redonner au public. Mais ce goût de la gravure a actuellement en Suisse pratiquement disparu. Il n'y a pratiquement plus aucun marchand de gravure suisse. Au fond, j'ai l'impression que le passé n'intéresse pas les jeunes. Alors parlons du présent et parlons des révolutions techniques. En effet, il y a de la révolution dans l'air. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un peu, parce que nous c'est quand même un métier qu'on connaît extrêmement mal, il est fort peu médiatisé, comment ces révolutions techniques impactent votre métier, votre corporation? Ces révolutions techniques, elles sont multiples. Aujourd'hui, rien qu'au niveau de la mise en page d'un ouvrage, on a des logiciels de mise en page ultra performants. Quand vous voyez aujourd'hui travailler un graphiste sur une maquette de livre, c'est assez sidérant. Et vous dites, mais je me demande comment on faisait un livre il y a 30 ans. Un livre d'images, un livre illustré. Aujourd'hui, ben voilà, vous avez des images numériques, vous venez les poser, on les prend, on les copie, on les colle, on les déplace. Tout ça est facile à faire. Il y a 30 ans, c'était manuel. Donc là, il y a déjà un changement, rien que dans la fabrication mais première d'un livre. Ensuite, dans l'impression, mon père vous a parlé de la révolution technologique de l'offset, ce qui lui a permis de développer les réimpressions, les reprints. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution depuis une dizaine d'années, la révolution numérique. On est passé sur des technologies d'impression numérique, ce qui permet de faire de l'impression à la commande. Donc, on n'a plus besoin d'avoir de stock. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous faisiez un contrat d'auteur, vous indiquiez le tirage, parce que ça avait son sens de dire, on va tirer votre livre à 1000, à 2000, à 3000 exemplaires. Et puis, quand on l'avait épuisé, on disait, est-ce qu'on le retire? Est-ce qu'on le retire pas? Mais on devait faire des tirages minimaux. On pouvait pas s'amuser à faire du 5 exemplaires, du 10 exemplaires, voire du livre à l'unité. Aujourd'hui, vous avez donc mis en page, vous avez ce qu'on appelle le fichier PDF imprimeur, et à partir de ce fichier, vous pouvez faire de l'impression. Alors, si le livre n'est pas trop complexe, si on est dans un beau livre, c'est pas encore possible. Mais sur du livre, un roman, noir-blanc, même s'il y a quelques illustrations noir-blanc, vous pouvez faire une impression à la commande. Donc, vous n'avez plus de stock et vous venez... Alors, on le voit pas encore à Genève, mais ça existe. Vous irez bientôt dans une librairie où vous aurez un catalogue en ligne. Vous pourrez lire des notices. Vous aurez un libraire qui vous saura vous conseiller. Mais il y aura plus de stock dans la librairie. Et puis, vous pourrez imprimer le livre... à la commande, et puis en 2 minutes, 3 minutes, en fonction de la taille du livre, le livre sortira. Alors peut-être qu'en termes de finition, il sera pas aussi bien fait que par le passé, mais il y a là une révolution incroyable, parce que le stock est un gros problème. Quand vous tirez un livre à 3000 exemplaires et que vous en avez 2000 en stock, vous immobilisez de la trésorerie, alors là je fais de l'économie, mais dans votre stock, et puis ce stock faut le vendre. Aujourd'hui, on sait qu'un livre, sa durée de vie en librairie, je parle de nouveautés, de romans courants, c'est 3 mois. un livre, il se vend sur les trois premiers mois, puis après c'est fini. 80 000 nouveautés par an en langue française, c'est plus de 150 nouveautés par jour, 7 jours sur 7. C'est pour vous dire la production gigantesque qu'il y a. Il faut savoir que plus de la moitié des livres publiés, on ne les voit pas en librairie. Les libraires peuvent tout simplement pas les prendre, ils n'ont pas la place. Donc là, il y a une révolution. Il y a une révolution dans la lecture. Alors, il y a un attachement au papier, et c'est tant mieux, et je m'en réjouis. Mais il y a une révolution avec la liseuse électronique, avec le livre numérique, qui aujourd'hui vous permet d'avoir une nouveauté qui est instantanément disponible dans le monde entier. Je sors une nouveauté à Genève. Si elle est disponible en livre numérique, vous pourrez l'acheter à San Francisco, à Pékin, ou au Cap, en Afrique du Sud, instantanément pour la lire sur votre liseuse. Donc là, il y a un marché qui d'un coup devient mondial. Vous avez une distribution qui est instantanée. Vous avez plus de stock. Donc là, il y a aussi une révolution. Donc on est en train de changer de paradigme. Mais maintenant, le métier d'éditeur en tant que tel, lui, ne change pas. Parce que quel que soit le support, quels que soient les moyens pour réaliser le livre, qu'il soit physiquement en papier ou numérique, le travail de l'éditeur, qui est de travailler sur un texte, qui est d'accompagner l'auteur, qui est de s'interroger sur certains passages, est-ce qu'on les supprime, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'il faut modifier le sens, ben, ce travail-là ne changera pas. Donc toutes les révolutions technologiques vont changer la manière de fabriquer un livre, vont changer la manière de diffuser et de distribuer un livre, mais pas la manière d'éditer un livre. Ivan Sletkin, on parle beaucoup du présent. Je vous propose de parler un petit peu du passé, mais peut-être ce passé, vous ne le regardez pas, faute de temps. Vous avez évoqué vos origines familiales. L'une d'entre elles nous dirige vers la Russie. Est-ce que vous avez eu du temps dans votre vie pour vous intéresser à cette branche-là ? Alors, la personne qui peut me transmettre beaucoup de choses, c'est mon père. Et puis, je dois dire que je suis très heureux, très fier de pouvoir fêter les 100 ans de Sletkin dans le livre. Mais j'ai dû secouer mon père pour qu'il me parle de la famille, parce qu'en fait, je connaissais pas grand-chose. Et puis, j'ai la chance de connaître Christophe Villemier, qui est historien, président de la Société d'histoire de la Suisse romande, qui est devenu un ami. Et puis, dans le cadre de ce 100e anniversaire, il a accepté, et je le remercie encore, d'avoir fait une petite recherche sur mon arrière-grand-père, parce que sans lui, en fait, j'en connaîtrais très très peu. Et puis, mon père n'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur la famille. Alors, je connais beaucoup plus l'histoire de ma famille maternelle que paternelle, mais j'ai été en Russie. Quand j'ai passé ma maturité, mon père m'avait proposé un cadeau, puisque j'avais réussi ma maturité. Il m'a dit, Yvan, qu'est-ce que je pourrais t'offrir ? Alors, je lui ai dit, emmène-moi en Sibérie. Alors, j'ai été, c'était à la chute, juste après la chute du mur de Berlin. J'ai été en 1990 jusqu'à Irkoutsk, où j'ai après même pris le transsibérien pour revenir sur Novosibirsk. J'ai adoré ces ambiances. Je ne parle pas russe, mais j'ai adoré la Russie, mais c'était une Russie en crise. Au début des années 90, c'était une Russie qui sortait de plusieurs décennies de communisme, une Russie qui était pauvre. Et puis alors, ça vous fera sourire, mon épouse, qui est américaine, elle a vécu 3 ans en Russie, elle parle couramment russe. Quand elle m'a rencontré, peut-être qu'elle pensait que je pourrais parler russe avec elle. Cela n'a pas été le cas. Mais grâce à elle, j'ai été aussi faire un séjour à Saint-Pétersbourg, qui est une ville absolument extraordinaire. Donc voilà, c'est mes quelques liens avec la Russie, mais en fait, j'en ai pas beaucoup plus. Et je dois dire que je suis content de pouvoir fêter ces 100 ans, parce que c'est grâce à cet anniversaire que j'en apprends plus sur ma famille paternelle. Et moi qui ai fait de l'histoire, moi qui adore l'histoire, je suis très heureux de remonter un petit peu aux sources, et j'aimerais en fait en connaître encore plus. Vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. La fin de la Première Guerre mondiale en novembre 1918 n'a pas signifié la fin des combats dans l'Est européen ni au Levant. Révolution et contre-révolution se sont succédés jusqu'en 1923, dans une spirale de conflits très éprouvants pour les civils. La Grande Guerre joue les prolongations, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc et Frédéric Pfiffer, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première, il est 14h.